des projets hantés en gamme. Tous mes poteaux dans le train en maison d'arrêt. Quand je t'ai trouvé joli, c'était déjà trop tard. T'étais ma propriété, mon amour, je suis ces connards. Mes liquides, j'étais sous le sommier de les verres bleus. J'ai trouvé maman et fleuve. J'y suis et j'ai été plus en projet. J'prends mes sous, maintenant t'aurais été pas en là. Et puis j'passe bourré au radar, prenez mon doigt. J'avais ton visage dans les yeux quand t'étais pas là. Y'a rien qui va s'arranger. Y'a plus rien à renouveler. Ils sont trop mal intentionnels. Descends-les, derrière les volets. Y'a des dangers, si je les mains salées. Tant pis, vu on fera jamais. Jamais, j'serai encore seul dans la tempête. Tremper les mains dans le sang. On fait les skis pour ma des Rolex. Ça sent la monnaie qu'est l'enfant. Le ciel est rouge dans mon hood. Mon hood, on va mourir ensemble. Mais tout seul, je suis hors game comme un homme run. Homme run, il m'a fallu le temps pour comprendre. Oh, quelques baisers brûlés. J'ai plus ton reflet dans l'eau. Mais qui connaît mes problèmes? Quand j'ai fait comme si j'allais bien. Oh, on tombe jamais ensemble. Je peux tuer pour toi. J'ai prié pour des frères qui ont prié pour un mal. Je me fais pas voir le printemps. Si c'est pour mourir en deux, oh, je peux pas vivre avec. Je peux pas vivre sans. La rue la mienne au fond, c'est qu'elle fait pas d'innocent. Peu à peu les flammes embrasseront le vent. Peu à peu les drames s'effaceront dans le temps. Richère la vie magique qui pose le déco. Vigilé sans émotion devant se relever. Femme de haut fait si je brise le rétro. J'ai repeint le mur en blanc et le père reste en dessous. Travailleur acharné. Malheureusement je serai souvent peu présent. Rage d'hier me rend toujours affamé. J'irai dormir à l'heure du soleil levant. J'aurais parti t'arracher la lune si j'avais su mieux t'éclairer. J'aurais parti seul dans la brume si j'avais su mieux t'aimer. J'aurais parti t'arracher la lune si j'avais su mieux t'éclairer. J'aurais parti tout seul dans la brume si j'avais su mieux t'aimer. Oh, oh, oh.